355e chapitre. Un sauveteur que l'on n'attendait pas. Les aviateurs étaient toujours dans la hutte où nous les avons laissés. Le brasero continuait à brûler au milieu de la pièce et le geôlier, fusil à la main, montait la garde autour des prisonniers. Tout à coup, Fabien crut entendre un léger bruit au dehors. Il se tourna vers Francis. Le brasero répandait assez de clarté pour que les captifs pussent s'apercevoir. L'apprenti eut un regard interrogateur. Le bruit continuait, mais si léger que le gardien n'entendait rien. Pourtant, à un moment, il se méfia de quelque chose, car il se dirigea vers la porte. Au dehors, un homme vêtu de peau de bête essayait d'ouvrir cette porte. À côté de lui se tenait un chien. Cet homme tenait un fusil à la main. Le geôlier, intrigué, avait ouvert la porte avec précaution. Presque aussitôt, il tombait frappé à mort et un homme se précipitait dans la hutte, suivi d'un chien qui n'était autre que Dick. Les aviateurs poussèrent un cri de surprise. L'homme qui était devant eux, c'était Hortzen, le trappeur, celui que nous avons vu précédemment aux abords de la caverne empoisonnée. Comment se trouvait-il ici? Comment avait-il pu découvrir la retraite des prisonniers? Aux premières questions que lui posa M. Voirin, le trappeur répondit « Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Pour le moment, fuyons, car les bandits rôdent dans les environs et ils pourraient bien revenir. » Au moyen de son couteau, Hortzen coupa les liens des aviateurs et quand ceux-ci furent libres, il leur dit « Venez !» Le geôlier, qui n'était pas mort, tenta de se soulever et poussa un cri rauque, mais le trappeur l'étourdit d'un vigoureux coup de crosse. Quelques minutes après, les aviateurs étaient près de leur aéroplane. Une silhouette noire se détachait sur un coin du sol éclairé par la lune. Le trappeur, qui était d'une agilité extraordinaire, sauta sur l'individu qui se tenait près de l'aéro et le réduisit à l'impuissance. « Maintenant, dit-il, je crois que vous ferez bien de partir. » Partir, cela était facile à dire, mais on se rappelle que Grondard n'avait pas terminé sa réparation. Pendant qu'ils se mettaient à l'ouvrage, Francis et Fabien se précipitaient dans le monoplan. Totao dormait enveloppé dans ses couvertures. Francis lui tâta les mains. Elles étaient brûlantes. « Pauvre gosse » murmura-t-il. Le petit tonkinois s'était réveillé. Comme toujours, il demanda à boire. Francis prépara à la hâte une boisson chaude et la lui donna. L'enfant balbutia quelques mots et se rendormit. « Laissons-le, » dit Fabien. Le trappeur expliqua aux aviateurs comment il avait été mis sur leurs traces. « Après votre départ, » dit-il, « j'étais rentré dans ma hutte pour y préparer mes peaux de bête. Je ne pensais plus vous revoir. Au bout de quelques heures, je fus tout étonné d'entendre gratter à ma porte. » Je pris mon fusil et sortis avec précaution, croyant que c'était quelque loup attiré par la faim qui rôdait autour de ma demeure. Soudain, j'aperçus une bête, et j'allais faire feu sur elle, quand à la clarté de la lune, je reconnus votre chien. Le brave animal l'a échappé belle. Un peu plus, je lui logeais une balle dans la tête. « Pauvre Dick !» fit l'apprenti en caressant le chien. « Alors, continua le trappeur, je me suis dit qu'il devait y avoir du nouveau. Pour que le chien fût revenu seul, il fallait que ses maîtres eussent été faits prisonniers. Je remarquai que la pauvre bête était blessée. Elle avait reçu à la patte un coup de couteau. Je pansai sa blessure du mieux que je pus, puis je suivis l'animal. Il me conduisit à la cabane où vous étiez prisonnier. » Francis se baissa, prit dans ses mains la grosse tête de Dick et embrassa le chien en disant « Dick, mon bon Dick !» L'animal fit entendre un petit jappement et se mit à sauter joyeusement. Monsieur Voirin serra avec effusion la main du brave trappeur et lui dit « Monsieur, je vous remercie au nom de mes compagnons. Vous nous avez sauvé la vie. »« Je n'ai fait que mon devoir, » répondit le brave homme. « Pouvais-je laisser massacrer des gens qui s'étaient montrés si bons pour moi ?»« Ne parlons plus de cela, » dit l'ingénieur. « Vous m'avez demandé un service et je vous ai dit que j'étais prêt à vous le rendre. » À mon arrivée à New York, j'irai faire votre commission. Caledonian Street, dit le trappeur. Oui, j'ai l'adresse. Comptez sur moi. On a bien raison de dire, murmura Francis, qu'un bienfait n'est jamais perdu. Une grosse voix s'éleva, joyeuse, claironnante. C'était Grondard qui annonçait que la réparation était terminée. Les aviateurs serrèrent à tour de rôle les mains du brave trappeur, puis prirent place dans leur aéro. Quelques instants après, ils s'élevaient au-dessus de la plaine et ne tardaient pas à apercevoir les écumeurs du Far West accroupis devant leur feu. Francis et Fabien poussèrent une bruyante clameur à laquelle répondirent des hurlements de rage. Le chef des écumeurs venait de comprendre que sa proie lui échappait.